Salut, comme tous les dimanches, votre rendez-vous rock, punk, musiques expérimentales diverses et variées, pardon, c'est Lost in Space, le 21h sur Radioactive. On attaque immédiatement avec Agent Orange, Bloodstains et une petite introduction de Brooke Shields. Allez, go! This is Brooke Shields and I got my radio station on for Rodney on the Rock. You're falling in. L'idée de faire ce livre est issue d'une volonté commune de donner la parole à quelques authentiques représentants de la poésie du XXIe siècle avant qu'ils ne deviennent des pages supplémentaires dans des manuels scolaires. It ain't nothing 'cause I'm leaving with. Dès le début de Monsieur Toussaint Louverture, nous avons souhaité laisser une place importante aux initiatives qui ne viendraient pas forcément de nous, aux idées que d'autres, comme nous, dans leur coin depuis trop longtemps, auraient et souhaiteraient mettre en œuvre des idées de livres un peu décalées, éditorialement étranges, farfelues. C'est pour nous une manière de ne pas nous enfermer dans une seule façon de penser et de faire les choses. Une fois ou deux, nous l'avons formulé tout simplement, et Thierry a très vite repris la balle au vol en nous proposant de diriger un livre qui serait consacré à la poésie contemporaine. We'll be right back. Pour citer de mémoire Lautréamont, il s'agit de la rencontre d'une machine à coudre et d'un parapluie sur une table d'opération. Pour être plus concret, j'ai rencontré Dominique Borde quelques mois avant la parution du tout premier numéro de sa revue, Monsieur Toussaint Louverture. Et pour exprimer les choses au plus juste, je pense que nous avons été intrigués par nos tempéraments respectifs assez contraires et que pas mal d'idées et de goûts communs ont fait le reste. Le désir un peu fou de réaliser quelques expériences littéraires à contre-courant de l'esprit de l'époque. Attempt to suicide. The sun is being busted for a statutory rape. And his sister's convinced she was born too late. Psychology lectures. Their adopted child is running for the state. And juniors at school about to graduate. Thank you. Il y a quelque temps, nous commencions tout juste. Commencions quoi ? Je ne me rappelle plus très bien, peut-être à agir, ça aurait été bien ça, commencer à agir. Mais non, je crois plutôt que nous commencions à parler, à organiser deux ou trois choses, les unes avec les autres, comme nous pensions que ça serait bien. Des auteurs nous ont envoyé des histoires, des hommes et des femmes que nous ne connaissions pas, qui avaient entendu parler de ce que nous faisions, même si nous ne faisions que commencer. Commencer à quoi ? Parmi eux, un mail nous a marqué, une histoire courte et étrange, plus proche d'un moment orageux avec beaucoup de tension entre les personnages qu'une nouvelle. Très vite, j'ai personnellement rencontré Thierry Acomirande et nous avons publié plusieurs de ses textes, parce que nous les aimions, parce qu'ils étaient impressionnants et sans aucun doute parce qu'ils resteraient et que c'est en partie cela que nous cherchions. Des histoires solides, étonnamment solides, capables de ne pas s'effacer après quelques mois ou encore quelques jours. J'ai le sentiment de m'acquitter ainsi d'une dette d'amour à l'égard de personnes qui, par leur œuvre et aussi par le simple fait de leur existence, m'ont aidé à vivre, à ne pas complètement désespérer du monde contemporain. D'autre part, subjectivement, avec la peinture à laquelle on la compare souvent, la poésie est un art qui me bouleverse de fond en comble. C'est ma fréquence personnelle en quelque sorte. To make us take one step back. C'était une journée d'avril, froide et clair. Les horloges sonnaient 13 heures. Winston Smith, le menton rentré dans le cou, s'efforçait d'éviter le vent mauvais. Il passa rapidement à la porte vitrée du bloc des Maisons de la Victoire, pas assez rapidement cependant pour empêcher que s'engouffre en même temps que lui un tourbillon de poussière et de sable. Close my eyes and I think how it might be. Le hall sentait le chou cuit et le vieux tapis. À l'une de ses extrémités, une affiche de couleur, trop vaste pour ce déploiement intérieur, était clouée au mur. Elle représentait simplement un énorme visage, large de plus d'un mètre. Le visage d'un homme d'environ 45 ans, à l'épaisse moustache noire, aux traits accentués et beaux. Winston se dirigea vers l'escalier. Il était inutile d'essayer de prendre l'ascenseur. Même aux meilleures époques, il fonctionnait rarement. Actuellement d'ailleurs, le courant électrique était coupé dans la journée. C'était une des mesures d'économie prises en vue de la semaine de la haine. «

À l'intérieur de l'appartement de Winston, une voix sucrée faisait entendre une série de nombres qui avaient trait à la production de la fonte. La voix provenait d'une plaque de métal oblongue, miroir terne, encastrée dans le mur de droite. Winston tourna un bouton et la voix diminua de volume, mais les mots étaient encore distincts. Le son de l'appareil, du télécran comme on disait, pouvait être assourdi, mais il n'y avait aucun moyen de l'éteindre complètement. Winston se dirigea vers la fenêtre, il était de stature frêle, plutôt petite, et sa maigreur était soulignée par la combinaison bleue, uniforme du parti. Il avait les cheveux très blonds, le visage naturellement sanguin, la peau durcie par le savon grossier, les lames de rasoir émoussées et le froid de l'hiver qui venait de prendre fin. C'était un plaisir tout particulier de voir les choses rongées par les flammes, de les voir se calciner et changer. We'll be right back. L'embouchure de cuivre au poing, armée de cet immense piton qui crachait le venin de son pétrole sur le monde, il sentait le sang battre à ses tempes et ses mains devenaient les mains d'une sorte de chef d'orchestre prodigieux, dirigeant toutes les symphonies du feu et de l'incendie au rythme desquelles s'écroulaient les haillons et les ruines carbonisées de l'histoire. Il avança dans un jaillissement de lucioles. We'll be right back. talking for places in world politics. Must they speak their wives or learn the necessary business tricks? Sharing an instinct that our people cannot stop. They fight for running the shit top. Il aurait aimé par-dessus tout, selon la vieille tradition, plonger dans le brasier un marshmallow, piqué au bout d'un bâton, tandis que les livres avec des battements d'ailes mouraient au seuil de la maison et sur la pelouse. Tandis que les livres se soulevaient au milieu de gerbes d'étincelles et s'envolaient, calcinés dans le vent. När jag tittar tillbaks så ser jag en liten grabb med blåslagna ben och skrubbade knän, han var överallt. Och när jag tittar på dig så ser jag en kvinna som lämnar tillbaks ungdomens alla förnedrande känslor och krav. Men nu när jag ser mig i spegeln så stannar jag kvar. Ingen kan få mig att skämmas igen, här är jag. Och nu när jag ser dina ögon så ser jag hur lågorna dansar till svar. Aldrig har du varit vackrare än just i. Att vi har fått nog. Till alla som brinner inne, låt elden smälta alla lås. Vi bränner alla broar bakom oss. Till alla som brinner inne, låt elden smälta alla lås. Vi bränner alla broar bakom oss. rädda mig där de vill att jag ska sitta. I lädersoffan bredvid dig, framför tvn och bara titta. Montag sourit du sourire âpre de tous les hommes grillés et repoussés en arrière par les flammes. Swimming heart down. Whoa. It's gonna be alright if you're on a sinking ship. Comme il faisait une chaleur de 33 degrés, le boulevard Bourdon se trouvait absolument désert. Plus bas, le canal Saint-Martin, fermé par les deux écluses, étalait en ligne droite son eau couleur d'encre. Il y avait au milieu un bateau plein de bois et sur la berge de rentes barriques. Au-delà du canal, entre les maisons que séparent des chantiers le grand ciel pur, se découpaient en plaques d'outre-mer et sous la réverbération du soleil, les façades blanches, les toits d'ardoise, les quais de granit éblouissaient. Une rumeur confuse montait du loin dans l'atmosphère tiède et tout semblait engourdi par le désœuvrement du dimanche et la tristesse des jours d'été. Thank you.